son lot, pas du hit pour blaireau. Rock bon, alterno électro, 1m97 pour 150 kg. Démonaire et plastique bien en chair dans ma peau. Te mets pas en tête de taquiner la baleine, car un warrior se cache sous le côté pachyderme. Surtout t'avise pas de me pourrir avec ta haine, je te ferai suffoquer sous le poids de ma vedette. On fait la guerre avec les mots, on terrorise à coups de sono. Frappe chirurgicale avec notre flow, dédicace toi à lui, t'as ma bête en pleine go. On fait la guerre avec les mots, on terrorise à coups de sono. Frappe chirurgicale avec notre flow, dédicace toi à lui, t'as ma bête en pleine go. Pervers vulgaire, bienvenue dans notre univers où les meufs sont des putes et ne seront jamais des mères. Y'a des salopes assoiffées de bites en érection. Il n'est pas question de quelconque frustration, mais de la provoque pure et dure pour faire chier les blaireaux. Rien que de voir les bourgeois choqués par mes propos, ça me fait triper à fond, je m'éclate comme un salos. De taper comme un porc, la provocation gratos. On fait la guerre avec les mots, on terrorise à coups de sono. Rap chirurgical avec notre flow, dédicace pour un tweet dans ma pick-up paint. On fait la guerre avec les mots, on terrorise à coups de sono. Rap chirurgical avec notre flow, dédicace pour un tweet dans ma pick-up paint. Vengeance, menace et censure au bout. Le bras de la loi s'abattra bientôt sur nous. On aurait dû faire du foot, le sport des gros cons. Les gens bien débiles qui courent derrière un ballon. Mais le choix de faire du punk dans notre garage pourri a fait hurler les voisins qui ont appelé la gendarmerie. Les PD en uniforme nous ont dit de faire du sport. On lui a répondu, vive le hardcore. On fait la guerre avec les mots, on terrorise à coups de sono. Pas chirurgical avec notre flow. On fait la guerre avec les mots, on terrorise à coups de sono.